Donc nous sommes dans ce temps de carême, ces 40 jours, à la fête de Pâques, au grand mystère de notre salut, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, fête qui culminera ensuite par la Pentecôte, la nouvelle effusion de l'Esprit sur le monde. Et dans les étapes que nous avons vécues, eh bien, rapprochons de ce drame. Je dis drame, ce n'est pas une tragédie, un drame. Un drame, c'est une histoire douloureuse, mais qui peut conduire à quelque chose de plus grand. Le drame, c'est une victoire emportée à grand prix, mais le résultat de cette victoire, lui, est inestimable. Oui, Jésus va souffrir une grande souffrance, mais c'est pour ouvrir les portes de la vie éternelle à l'humanité. Et nous sentons dans ces paroles de Saint Jean ce soir que ce drame s'approche et Jésus lui-même est saisi par l'émotion. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. C'est la version de Saint Jean, si on peut dire, de Gethsémani. En Matthieu, Marc et Luc, c'est au Jardin des Oliviers que Jésus fait cette prière. « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. » Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Ou bien, dans les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, « Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, Père, mais la tienne. » Et c'est en vertu de cette obéissance que le monde est sauvé. Et ceci m'amène à faire le lien avec le thème de cette semaine, puisque la grande thématique du carême, c'est sept repères pour une vie renouvelée. Nous avons survolé les sept péchés capitaux. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la paresse. Vous connaissez l'histoire de ce prédicateur très charismatique, il disait, « Ah, dis-moi, je prépare jamais mes homélies parce que le Saint-Esprit m'inspire sur le moment. » Et puis le dimanche suivant, il dit, « Acclamons la parole de Dieu, il dépose le livre, puis entend une voix dans son cœur, « Paresseux. » Parce que l'Esprit-Saint vient aussi dans la préparation. Donc la paresse, eh bien, couvre au fond deux réalités dans la tradition chrétienne. D'abord, une réalité, je dirais, d'ordre humain ou d'ordre moral, c'est-à-dire cette faiblesse dans la volonté, mais aussi la paresse dans la tradition spirituelle désigne ce qu'on appelle l'ascédie, qui est une période ingrate de la vie spirituelle, de dessèchement, de difficulté. Je vais y revenir plus tard. La philosophie classique définit la paresse comme une tristesse devant la difficulté du bien. Parce que faire le bien, faire quelque chose de moi-même et de ma vie, transformer ce monde pour le mieux, eh bien cela coûte. Ça peut coûter jusqu'au drame, comme pour Jésus, mais en tout cas, il y a une peine qui est rattachée à ce labeur, mais une joie aussi à persévérer dans le sens du bien et à atteindre l'objectif. Mais on peut être triste devant cette difficulté. La paresse, c'est un péché capital dont je pourrais parler bien. J'en ai une expérience personnelle assez riche. Je me disais, mais dans ma vie, quand est-ce que j'ai été le plus paresseux? Et je me rappelle quand j'étais punk. Je disais, mais pourquoi je foutais rien? Et en fait, mais parce que j'avais pas de but dans ma vie. Et donc il y a quelque chose de cela dans la paresse. C'est-à-dire que si on ne sait pas où on va, bien on ne se met pas en route. Et on fait toutes sortes de choses, mais qui mènent nulle part. On recherche plein de satisfaction, puis on se disperse et on n'avance plus. Puis l'autre raison aussi, je vois de ma paresse à cette époque, c'est justement cette tristesse devant la difficulté du bien. C'est-à-dire que c'est pas les envies qui me manquaient, les rêves. Il y avait toutes sortes de choses que j'avais envie de faire, Mais dès que ça devenait difficile, eh bien, je me décourageais et je me laissais séduire par une autre passion. Donc, un manque de fermeté dans la volonté, un manque de colonne vertébrale. La paresse, ça touche à quelque chose de profond puisque ça nous renvoie à toute la grande tâche de l'éducation, dont la première partie est surtout assumée par nos parents, c'est-à-dire que c'est eux qui ont eu cette tâche difficile d'essayer de nous donner une colonne vertébrale, de faire en sorte que nous nous construisions dans la droiture. En récompensant le bien, en punissant le mal, ils ont essayé de nous donner le goût de faire ce qui est bien et d'intégrer la loi, c'est-à-dire au fond de vivre dans la réalité avec les exigences que cela comporte. Et donc, cette éducation, peut-être qu'elle n'a pas été faite. Donc, il peut y avoir comme une faiblesse dans cette volonté. Parce que l'être humain est un être architectonique, si vous permettez ce terme. C'est-à-dire que c'est un être qui se construit par ses actes. Et il se construit ou il se démolit. C'est-à-dire que, au fond, c'est comme si notre personne était une habitation à construire, et à chaque fois que nous posons un acte qui va dans le sens de notre vrai bien, eh bien c'est comme si nous posions une brique, et puis une autre brique, et une autre, et finalement on construit un mur, deux murs, et on a une habitation. C'est drôle d'ailleurs parce qu'en anglais, le mot « vertu », qui signifie de cette habitude qu'on a à faire le bien, ben c'est la même racine qu'habitude, c'est « habit », qui vient aussi nous rappeler habitation. C'est-à-dire que l'homme vertueux, celui qui s'est construit dans le bien, il habite avec lui-même, comme on disait de Saint Benoît. Tandis que le vicieux, c'est celui qui disperse son matériau humain, ses briques, en se laissant aller à ses passions et en se laissant séduire par le péché. Et finalement, il n'est qu'une ruine de lui-même, soumis à toutes les intempéries de l'extérieur, et au fond, il est complètement dispersé en lui-même. Donc, cette architectonique de l'être humain, elle nous poursuit toute notre vie. Nous sommes, dans une certaine mesure, l'auteur de nous-mêmes, pour le meilleur et pour le pire. Dieu nous a donné une liberté. Certes, il va nous donner la grâce pour éduquer cette liberté, mais même si Dieu nous donnait une grâce immense comme l'univers, il ne peut pas prendre de décision à notre place. Ça relève de ma liberté de me construire ou de me démolir. Alors, et ça nous renvoie maintenant au registre peut-être de la sédie ou de la paresse, c'est que la grâce va venir, oui, aider notre volonté à se construire, mais pour que l'Esprit-Saint vienne nous habiter, nous transformer, il faut qu'il y ait un minimum d'architecture, de mur. Sinon, si on est toujours dispersé dans le péché, eh bien, l'Esprit-Saint ne peut pas habiter, demeurer en nous et nous pousser vers le bien. Et cette possession de l'Esprit-Saint, qui est le but de la vie chrétienne, comme disait Saint Séraphin de Sarov, bien, elle peut aussi être gêné par ce qu'on appelle l'assédie, qui est une forme de paresse, mais dans l'ordre de la vie spirituelle. C'est-à-dire que on peut avoir des périodes dans la vie chrétienne où les choses de Dieu ont vraiment de la saveur, nous enthousiasment. Et puis, ça peut être l'inverse. On peut perdre le goût des choses de Dieu. Et il y a deux causes à cette assédie ou cette sécheresse. C'est soit notre négligence, c'est-à-dire que nous n'avons pas nourri notre vie spirituelle, et donc ça nous dégoûte ou ça ne nous attire plus. On ne prie plus, on ne se confesse plus régulièrement, on ne reçoit plus l'Eucharistie, on nourrit plus notre intelligence avec la parole de Dieu ou l'enseignement de l'Église, ou bien parce qu'on est avancé dans les voies spirituelles et Dieu permet ce moment de sécheresse où la personne va être obligée de se décider pour Dieu plus profondément, c'est-à-dire qu'elle va aimer Dieu non pas pour le profit qu'il m'apporte, les consolations, mais pour lui-même. Donc Dieu va comme fermer le robinet des consolations sensibles pour que les vertus se renforcent, s'enracinent plus profondément, et à une autre étape, il va redonner peut-être une grande consolation. Mais, encore une fois, cela nous renvoie à notre liberté. Vous savez, la foi, c'est un organisme vivant. Si je l'arrose, eh bien, elle va avoir une croissance. Si je ne l'arrose pas, elle va se dessécher. Les chrétiens qui n'avancent pas reculent, parce qu'il n'y a pas de point mort dans la vie spirituelle. Alors, pour conclure, je dirais que la paresse, eh bien, est un problème qui touche profondément à notre liberté. Mais la première chose, c'est de se poser la question de ce que je veux avant de le vouloir. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et cela relève plus de l'intelligence que de la volonté. C'est pourquoi il est important d'avoir une vie de réflexion dans notre existence. Un temps où on pense, un temps où on prie, où on cherche quel est le projet de Dieu sur moi. Parce qu'il a un projet unique pour chacune des personnes. Et il connaît, il a un plan parfait pour réaliser ce projet. Et je peux répondre à ce plan de Dieu par ma volonté, par ma liberté qui s'y engage. Et d'autre part, bien, si on a cette vision, eh bien, il faut se décider pour elle. On en a parlé la semaine dernière à propos de la luxure et du combat spirituel. La grâce de Dieu ne peut pas se déployer dans un voilier qui n'a pas ouvert les voiles. Je suis invité à me décider pour Dieu et à prendre toutes sortes de décisions. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, et c'était aussi mon cas avant ma conversion, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont gouvernés par leurs émotions ou par la météorologie de leur caractère. J'ai envie, j'ai pas envie, ça me tente pas. Tout le monde le fait, tout le monde le fait pas. Eh bien, quel paradis pour le paresseux. Mais l'homme vertueux cherche le bien et il persévère dans ce bien. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que le paresseux n'est pas forcément quelqu'un qui fait rien, le fait néant. Je peux être un paresseux hyperactif qui fait tout sauf ce que je devrais faire, ou qui va fuir la conversion dans toutes sortes de divertissements, parce qu'au fond, on a peur de se retrouver en vérité devant Dieu. Donc, le remède à la paresse n'est pas d'abord une tension, un activisme, mais une recherche paisible de la vérité et une réponse à cette invitation à la vérité à me mettre en chemin, progressivement, à prendre des petites, des moyennes, des grandes décisions. Vous connaissez l'histoire de cette femme et cet homme qui se marie, puis la femme lui dit « Chérie, je prendrai toutes les petites décisions et tu prendras les grandes. » Et au bout de 25 ans, le chéri s'aperçoit qu'il n'a jamais pris de décision. Parce que les grandes décisions se prennent parce qu'on a construit cet édifice de toutes les petites décisions bonnes qu'on a apprises à faire. Quand on regarde notre semaine, est-ce qu'on se dit « Bon, je vais avoir ça à faire, je vais être obligé de faire ça, ça ne me tente pas de faire ça. » Ou bien je regarde ma vie, je me décide pour faire ce qui est bien. Je m'engage dans ma vie. Je ne me laisse pas conduire par les événements, mais je conduis ma vie dans les événements. Et c'est comme cela que notre volonté se muscle, s'affermit et devient ensuite une seconde nature. La vertu, c'est que ça devient aussi naturel de faire le bien que d'avoir faim, d'avoir froid ou tout ce qui peut nous faire pâtir. Donc c'est un merveilleux défi qui est donné à notre liberté de nous construire une habitation où l'Esprit-Saint va pouvoir venir faire sa demeure et nous conduire à la vraie liberté qui est l'Esprit-Saint.